Les Québécois, c'est un mystère. Et un mystère, ça se comprend pas. Les Québécois, ils sont installés, c'est à grand, ils se perdent. Ils étaient chez eux partout. Des forêts, des rivières, des lacs, il y avait même des mines. Il n'y avait pas besoin. Puis à un moment donné, ils se retrouvent dans le fond de la mine. Puis quand ils sortaient de la mine, ils disaient, je vais y retourner, mais je vais t'y en ressortir. Puis ils se couchaient avec l'idée qu'il fallait qu'ils redescendent le lendemain, puis ils n'étaient pas sûrs d'en sortir. Il s'en allait dans le bois. Puis là, il était là longtemps, il était comme perdu. Il était perdu chez eux. Et à un moment donné, ça ne marchait plus dans la mine. Ça ne marchait plus dans le bois. Ça ne marchait même plus sur la mer. Il sortait de la mer, il ne savait pas quoi en faire. Ça ne marchait pas nulle part. Puis là, il se promenait avec le poche, la Gaspésie, jusqu'en Abitibi. Puis il retourna dans le Saguenay, puis il s'en revenait dans Mauricie. Et puis les femmes étaient là qui attendaient, puis ils ne savaient pas ce qui était pour arriver. Sauf qu'il arrivait des enfants, puis ils ne savaient pas ce qui était pour arriver aux enfants. Alors, les enfants sont à l'école, puis ils se sont regardés ensemble, puis toutes les vieilles idées du passé, faut faire ci, faut pas faire ça, puis ils ont tout mis ça de côté. Ils ont dit, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau règne. Alors là, ils se sont ramassés, puis il n'y a pas rien qui lui faisait peur. Il était affronté parce qu'il n'avait pas peur. Et puis les bebelles, puis les affaires, ils ont dit, c'est pas ça qui est important. Ils ont dit, chaque fruit a sa saveur, puis chaque fleur a son parfum, puis chaque femme a ses charmes. Ben nous autres, les Québécois, on a du bon sens aussi. Et si on se met ensemble, on est capable de reprendre le pays que nos pères ont bâti avec des petites affaires, avec des petits outils. Ils se l'ont fait enlever parce qu'il y avait des petits outils puis ils étaient trop dispersés. On se remet ensemble, puis on ne se laisse pas bousculer, on reprend notre bien. On rentre chez nous. On n'aura pas des moutons, mais on va se tenir ensemble, puis on va être forts ensemble. On va faire l'amour dans notre pays, à notre manière, puis les autres qui vont vouloir vivre avec nous autres, ils vont être heureux aussi. Puis alors là, il n'y a rien qui peut arrêter ça, je peux dire. Quand c'est dans la tête comme ça, puis dans le ventre, tu as de la force, et puis que tout le monde veut, ben, on tournera plus en rond. Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé. Et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier. Enfant de cette nation et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Je suis devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis fils de paysan, les fils de l'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je m'y suis caché, refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine. C'est le du génocide des premières nations, c'est le de l'esclavage et des déportations. Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix. Une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. L'utilisation de l'histoire pour construire une conscience nationale, ça rappelle beaucoup, beaucoup un débat qui a eu lieu, pour reprendre l'exemple français encore, qui est si proche de nous, là, Français de France. C'est un débat qui a eu lieu sur l'école française entre 1876 ou 1875 environ et 1914. Alors, ce débat-là, c'est sur est-ce que l'école française doit préparer la revanche? Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Est-ce que l'école française doit préparer des soldats pour que les Français, l'armée française, puissent reprendre l'Alsace et la Lorraine, éventuellement, qu'on avait perdu en 1870-1871. Alors, bien sûr, c'est ce qu'a fait l'école française. Le résultat est assez mitigé. 1 300 000 morts français, ou 1 400 000, entre 14 et 18. Alors, est-ce qu'on doit utiliser l'histoire pour forger une conscience nationale? Non, je pense pas. Si on veut, l'indépendance est quelque chose de très légitime, mais je pense pas qu'on doive instrumentaliser, c'est le mot que j'emploie, l'histoire pour la cause souverainiste, ou pour la cause fédérale d'ailleurs, c'est la même chose, hein. Une épidémie, car tout le monde sont grippés, il y en a pas de mes amis. On parle la grippe cette année, tous les magasins de caissaines, ils font d'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, ça laisse temps de vous faire soigner. Un petit gin, puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir, les patins à l'air. Si vous venez qu'à empirer, frottez-vous avec du camphré. Si vous avez mal au cœur, prenez une pause d'épine calleur. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile 14. Avec tous ces conseils-là, vous aurez pas l'influenza. Tiddle-dum, moi et puis mon mari, on est allé faire du ski. Et rendu au Mont-Tremblant, il faisait froid, c'était effrayant. J'avais la face comme une fourchure, puis le bout du nez, je dure. Je vous dis qu'à ses parents, quand on a Ebron de Nose, faut s'habiller bien chaudement, si on veut pas attraper ça. L'hiver c'est un mauvais temps, pour l'air humide de ce mois. Dans le mois de février, la plupart ils sont grippés. Mais rendus au mois de juin, d'autres attrapent la fièvre des foins. La Bolduc, avec sa belle voix, comment on pourrait dire, sa belle voix qui turlute, avec la chanson « Tout le monde a la grippe », une chanson pour tous les gens qui sont dans la tempête en ce moment même, ou qui, encore pire, marchent dans la rue à cette heure-là et à cette température-là. Si vous êtes au Québec, si vous êtes évidemment à Marseille, ben là, je sais pas quelle température qu'il fait là-bas. Mais probablement qu'il fait pas chaud non plus. On vient d'entendre 4 pièces. La Bolduc avec Tout le monde à la grippe. Corrigan Fest faisait Je suis fils. Et il y avait Michel Chartrand aussi qui a fait un petit speech sur qui s'intitule On rentre chez nous. Et Webster, rapport de Limoilou, nous faisait Québec History X. L'histoire oubliée. Webster, qui est un gars brillant, adepte des arts martiaux, rappeur depuis longtemps. Au début, il rappait en anglais, maintenant il rappe juste en français. Et vous l'avez peut-être vu à la télé si vous avez écouté le documentaire d'enquête sur le racisme de la police de Québec. Où on apprend notamment que la police reçoit des millions de dollars pour lutter contre des gangs de rue qui n'existent pas. Et oui, c'est au Cercle Aquatechnologique que vous avez entendu ça. Et au micro, c'est François Gécouillard. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner. Dans sa chanson, Webster nous parle de F.X. Garneau, qui prônait la pureté des races. Garneau, on en a fait quoi? On en a fait un cégep. Il y a un cégep qui porte son nom. Un cégep qui est une institution d'enseignement et de savoir. Et je pose la question, si on était vraiment des gens évolués, est-ce que ça ferait pas longtemps qu'on aurait changé le nom du cégep? On va continuer avec un bloc, toujours dans le thème évolution. Évolution qui se consacre... En fait, c'est comme le début et la fin. Donc, ça va être sur l'histoire du Québec, le début et la fin. On se dirige maintenant vers... Là, on était vraiment au début. Là, maintenant, on va se diriger plus dans les années 30, 40, 50. On va aller écouter une pièce qui s'intitule « L'encan ». Approchez, monsieur, dame. Une belle petite rivière à saumon à vendre, pas cher. Pleine de beaux petits saumons qui viennent frayer ici depuis des siècles à vendre. Avec les îles, du bois, des chutes sur une centaine de milles. Sans compter les croches. Laissons pas aller ça, nous autres. Laissons pas aller ça, nous autres. Son droit. Une fois, deux fois, trois fois, vendu. Installez-vous, monsieur. We've got a good bargain. Look at the land. Approchez, approchez, monsieur, dame. Une belle petite université française à vendre. 6 étages d'instruction, latin et grec compris. Avec ferme expérimentale, laboratoire, bibliothèque. L'article rêvé pour les fils d'immigrants qui veulent parler français au Canada. Laissons pas les sommes autres. I'll take it. Vendu. Approchez, approchez, monsieur, dame. Une belle petite nappe d'huile fait main, tricotée par les siècles. 800 milliards de beaux petits barils d'huile pour faire du gaz, de la chimie, du plastique, du pétrole. Même que le gouvernement va vous paver un chemin pour vous y rendre. Mais... c'est le même qui a financé l'électricité chez nous. Ah, c'est pas lui qui va arrêter ses moteurs. Approchez, monsieur, dame. Dernier item, mais de poids. Une belle, grosse, jeune ville neuve, dynamique. Avec rues souterraines, métro, banque, oasis. Employés obéissants, pas cher. Vieille maison historique à démolir. Place d'avenir garantie. Laissons pas aller ça, nous autres. Hey! Oui? It's already sold. Vendu? Ah, je savais pas. Approchez, messieurs, dames. Ben, il me reste plus rien à vendre. Plus rien à vendre. Keep away, private, members only. Donnez la suprématie à qui vous voudrez. Le complet contrôle de la terre à qui vous plaira. Et vous aurez les mêmes résultats fonciers. Sinon, avec les mêmes arrangements des détails. Nous sommes à la barrière de la mine Noranda à l'été 1934. Une grève en pleine crise économique est menée par ceux qu'on appelait, quand j'étais petit, les fraux. Les fraux étaient une contraction, est une contraction du mot « foreigners », qui veut dire « étranger ». À cette époque, les Canadiens français ne travaillaient pas dans les mines. Ils considéraient qu'ils étaient pour passer assez de temps autour de la terre une fois mort, que c'était pas nécessaire de se presser. Ce qui a un certain sens. Les fraux avaient fui la misère de toutes les Russies des années 20, des années 30. Les Ukrainiens, les Polonais aussi. Ils avaient pris le bateau là-bas, traversé la Manche pour arriver au Canada, à Halifax, où un agent d'immigration les accueillait. Welcome, suckers. Nous venons de découvrir dans le nord du pays une belle et grande région qui s'appelle l'Abitibi, et qui veut dire en indien « là où ce que l'asphalte arrête ». Nous venons de découvrir un immense gisement de cuivre et votre travail consiste à aller l'exhumer. Et si vous faites bien ça, si vous ne contrevenez pas aux lois du pays, dans 5 ans, on va vous munir de papiers d'identité. Telle était l'entente. Alors les fraudes sont partis pour Noranda. En même temps aussi que beaucoup de Canadiens français, à l'époque, qui, dans le temps de la crise, qui fuyaient la misère, eux, de Trois-Rivières, de Québec, de Montréal, ils sont partis 50 000. Mais en agriculture, cultiver des variétés de carottes polaires. mais ils étaient très heureux en fonction des nombreux et variés couchers de soleil qu'ils contemplaient en égrenant le chapelet en belu asséché. Les Fro ont travaillé un certain nombre d'années. Ils ont rencontré à un moment donné le gérant de la mine, qui s'appelle M. Roscoe. Roscoe était un type possiblement refermé sur lui-même, qui avait acquis son métier d'ingénieur minier dans les mines d'or d'Afrique du Sud au détour du siècle, ce qui laisse supposer une certaine conception des relations industrielles. Après quelques années, ils sont allés voir M. Roscoe, ils lui ont exigé un certain nombre de points. Il n'y avait vraiment pas d'union, pas de syndicat dans ce temps-là, c'était évident. Premièrement, ils ont demandé un séchoir pour se sécher une fois très humide sous la terre, dangereux. Deuxièmement, quand vous levez la cage à 5 heures, ne plus jamais oublier personne dans les galeries, ce qui était courant à l'époque. Et troisièmement, un salaire qui tirait vers le salaire infinimum, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, M. Roscoe, un type refermé sur lui-même, a refermé la porte et a appelé la RCMP. Et c'est là qu'ils ont envoyé pour la première fois dans l'histoire du Québec les grenades lacrymogènes sur du monde. Les Fros ont été arrêtés et amenés à Amos. Ils ont été reçus par le juge qui leur a demandé vos papiers. Ils ont été renvoyés chez eux. Et les Canadiens français qui sortaient eux-mêmes d'une terrible grève de bûcherons ont pris leur place à la Noranda. La chanson que je vais chanter est une balade que j'ai écrite il y a une quinzaine d'années pour un film documentaire qui s'appelle « Comme des chiens en pacage » et qui devrait bientôt arriver sur vos écrans. On va mettre un homme là-dessus. Les Fros. Ils ont demandé des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. Dehors les Fros, a dit Roscoe, that's what I call a silly cause, 'cause I'm only here for the money, stupid. The French Canadians wanted by the mine. Ça fait 50 ans aujourd'hui que les blocs sont ici pour le cuivre. Nous autres un peu plus pour survivre, comme dit l'ièvre qui court la nuit. Montréal, aux Trois-Rivières, à Québec, y'a rien à manger. Le monde est pas content, oh, oh, oh. La misère noire, c'est pas drôle à voir. Ah ouais, dans le bois, ça presse, une poche de fleurs, une canne de graisse. Oh, oh, oh, oh. C'était la petite ballonnée des années 1930. Il y aura du gong pour tout le peuple, de l'espace, de la liberté qui ont dit. Mais tu t'habitues à penser à toi quand la terre gèle en plein été. Les foreigners ont pas rentré, les cheminées sont arrêtées, qu'on a bien vu de clair ici. Laissons brûler les abattis, la mine engage, descend en cage. Y'a pas de trou plus sombre qu'ici. Open on your knees, come and sing a song for your kind, Copper King. Vive la compagnie! Pas longtemps, un homme qui se plaint. Un dernier mot seulement, et puis j'efface mon chemin. Le jour où c'est qu'on me trouvera mort, enterrez-moi debout la tête dehors, au soleil. Mmh. Richard Desjardins, Richard, Richard. Le plus grand poète du Québec nous racontait l'histoire des mineurs immigrants de l'Abitibi. Ça aussi, c'est notre histoire, même si on l'entend pas souvent parler. Alors, c'était Richard qui faisait les fraudes. Avec la présentation, ça fait quand même un bloc de 8 minutes juste avec Richard. Et on a entendu Nathalie Lessard qui faisait L'Encan. L'Encan qui est un poème de Félix Leclerc. Richard, c'est un grand poète, mais il fait des documentaires aussi. L'Aurore boréale qui concerne les forêts québécoises. Le peuple oublié, si je ne m'abuse, qui aborde la question des Autochtones. Et récemment, True Story, qui parle des mines, bien après ses chansons. Un documentaire extrêmement intéressant. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir ça. Ça vaut le détour. Donc, on est dans une émission qui s'appelle « Le cirque aquatique magique ». En votre compagnie, c'est François Gécouillard. Le thème de ce soir, c'est l'évolution. Alors, on a commencé avec la colonisation du Québec. On se dirige après ça vers les années 30. Là, on avance encore. On va aller vers les années 70. L'époque du développement, de l'extension des droits. Alors, on va commencer avec une pièce qui s'intitule « L'histoire de l'histoire ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce que vous allez entendre à l'instant ne vient pas de moi. C'est une histoire qui me fut contée de la bouche même d'une vieille tempête, dont les propos d'éternité ont trouvé écho dans ma tête. L'histoire elle-même possède deux yeux, un œil fou et un autre sage qu'elle promène à travers les cieux et les nuages de tous les âges. L'histoire est une vieille bohémienne rêveuse et puis mordante aussi. Elle a tant vu la race humaine recommencer les mêmes folies, les conflits, les chasses aux sorcières quand ça sent trop de renfermer. V'là les générations en guerre, un peu de sang-neuf pis le tour est joué, que de troupes qui marchent au pas, de passions qui passent comme des modes avec leur croix érigée là où l'histoire fixe des antipodes. L'histoire s'en va comme un voyou dans une jungle de code conscience, avec son œil sage, son œil fou et la voix muette du silence. L'histoire n'a pas la poudre aux yeux, elle a les yeux ni chauds ni froids. Elle s'introspecte en plein milieu, c'est pas son premier gâteau des rois. Elle trouve la mine en un rien de temps dépouillé, simple et vulnérable, au même endroit exactement que la morale à la fin d'une fable. L'homme épaissit en vieillissant, le cul assis à la même place, puis il se fait voler son banc pour avoir perpétué la race. Quelle chaise musicale! Qui va à chasse perd sa place. C'est le métier adentro, plein de trapos. Mais nous, on prenait gasoline. Des pneus avec, on mettait des chiffons dedans avec de l'essence. Lo lanzábamos, queríamos nosotros que explote, c'est qu'il y a une cisterne et se tape tout. Donc on laissait dévaler ces pneus enflammés. Nous, on espérait que ça fasse exploser un camion-citerne et que ça bloque complètement le passage. Nous avions une bombe à Bonotome, mais encima le caïman se quemaba, non? Alors nous, on envoyait des bombes Molotov sur les véhicules blindés. Pourquoi c'est. Pétrole que bajaba a la ciudad era para todos los ricos. Parce que normaliser. Ce pétrole, c'était pour tous les riches, parce qu'il y avait une pénurie de pétrole, on avait réussi à bloquer. Y entonces, de esa manera que tenían que bajar el petróleo abajo y no podían bajar siempre. Donc, il fallait qu'ils approvisionnent avec les camions citernes la ville d'en bas, la passe. Et nous, on ne voulait pas. Los militares necesitaban el producto, o sea, la gasolina para poder se movilizar y no tenían gasolina. Et c'est les militaires aussi qui avaient besoin de l'essence pour pouvoir se déplacer. Y por eso es que los militares tenían que bajar y bajaban armados. Alors, les militaires étaient armés, ils escortaient avec des armes. Y en las villas así, en las periferias, varios periferias, por ejemplo, la autopista por donde vamos a bajar, en eso había el confrontamiento, todo ese trayecto, porque es. Et donc dans tous les quartiers, dans tous les petits quartiers qui sont des quartiers pauvres, il y avait des combats. Et c'est aussi surtout par où on va passer, par l'autoroute. Janvier, on était tôt levé, puis quelle longue étaient nos journées. révistes inexpérimentés, debout et plein de volonté, pour la gagner, la mériter, la conserver, la liberté. Journée de froid et d'oppression, n'avez de nous pas de raison. Malgré les lois, les injonctions, lutter était notre passion. Pour la gagner, la mériter, la conserver, notre fierté. J'allais dans la neige et le froid, perdu dans le palais des lois, frappé par le bras des gardiens, rassé de ce système-là. On gagnera, méritera, conservera le syndicat. Les boss nous méprisaient, plus on se radicalisait. Unis, la solidarité était plus forte que jamais. Pour les casser, les écraser, les faire plier jusqu'au dernier. Et malgré ceux qui nous ont trahis et qui prêche par le contredit, qui cache le véritable ennemi et qui partage le même lit. Malgré l'État qui te protège, capitaliste, on traversera. Socialiste, nous t'accueillons, sachant qu'un jour nous gagnerons. Au ciel, nos poings se lèvent et crient, il faut construire notre parti pour arriver à renverser l'exploitation du financier. El doctor Jorge Molina ha confirmado la muerte de Ramiro Vargas Astilla, de 22 años, quien llegó a este nosocomio ya sin vida. Hasta el momento se tiene registrado dos muertos. Reiteramos en Ventilla, carretera Oruro. Moi, je m'appelle Lucille, 8 mars 1857. Pour nous autres, les filles du textile, ça a été la défaite. Moi, jamais j'oublierai le jour où la police a foncé ses filles parce qu'on criait « Justice ». Nous, on n'en voulait plus de la journée de 12 heures, des chopes mal entretenues ou en mer de chaleur. Nous, on n'en voulait plus des salaires de famine, des services rendus parce qu'une fille est ben fine. En mars 1908, donc 50 ans plus tard, les choses changent pas ben vite, puis on proteste encore. À New York, à nouveau, c'est les mêmes luttes qu'avant. Le droit de vote, le 1908 mars, là on va pour reclamer une journée des femmes en solidarité, de celles qui ont lutté à New York et partout. Tenez de réaliser deux journées coup sur coup. Moi, je m'appelle Catherine. Mariée, j'ai trois enfants. Je travaille à l'usine, c'est pour ça que je cours tout le temps. Entre l'usine puis chez nous, entre mon lunch puis le ménage, je finis la semaine à genoux. Oui, j'ai mon voyage. Tous les jours, c'est pareil, on rentre avant les gars. De l'atelier d'au-dessus, comme ça, on s'en parle pas. Des fois qu'on apprendrait que c'est pas rien que d'un étage, qu'ils ont plus d'avantages pour le même travail qu'on fait. On dîne pas aux mêmes heures, le local est au petit, on dirait que c'est prévu pour qu'on soit jamais vu. Mais on parle entre nous autres de l'accident de Sylvie, du maudit plan Bonnie. Ce Bonnie-là, faut que ça saute, faut que ça saute. Depuis quelques années, dans tous les syndicats, on souligne la journée. En ce moment, je suis dans le quartier de San Cata. Il y a un tracteur, il y a aussi un véhicule blindé de l'armée qui tire sur la population de San Cata. C'était un peuple de caves, en stucco beige avec une bande de dents, des fissures dans le sol à âge, leur minait le soubassement. En bon trou de bain que l'on cave, ne s'en servait plus pour produire des enfants, que l'on torche et que l'on lave, pour faire de la soupe habitant. Fourré, fourré, fourré, fourré démographiquement, poussez vos carrosses par en avant. La langue française se fait clouer le bec, marchons pour un Québec grec. Marchons pour un Québec grec. Puis que l'église n'est plus leur mage, ils errent sans idéal nonchalamment. Ils ont fondu leur mirage dans un grand désert d'argent. Des étrangers à bagages ont pavoisé leur environnement, de différences de langage, de culture, de restaurant. Fourré, fourré, fourré, fourré démographiquement, unissez-vous par derrière, par devant. La langue française se fait clouer le bec, va-t'en pour un Québec grec. La consternation fait rage, au sein même de ses braves habitants. Il s'en cache le visage sous un condom isolant. Écoutez bien ce message, francophone en mal des duels d'antan. Embrochez-vous sans embâge, faites des souviens d'enfants. Fourrez, fourrez, fourrez, fourrez démographiquement, poussez vos deux gosses par en avant. Et la langue française se fait clouer le bec, fourrons pour un Québec grec. Fourrons pour un Québec grec. À quoi ça sert de vivre tout égoïstement dans le trou rose de son petit condo blanc, à palabrer autour de la loi 101 quand tout le reste est dans le brrr. Pour un Québec grec! Quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte constamment que le passé se conjugue au présent. On a entendu une pièce intitulée « Histoire transparente » de Plume à Traverse, un gars qui représente vraiment la contre-culture des années 70. On a entendu de mystérieuses hippies faire l'histoire du 8 mars, la Journée internationale des femmes. Les Piqueteurs de la gloire s'interprétaient « Histoire de grève ». Souvent, la chanson militante, les noms sont pas très poétiques. Et Plume à Traverse, encore une fois, faisait l'histoire de l'histoire. L'histoire de l'histoire qui a une face de monstre. En tout cas. Et puis quoi que dire de plus? On a entendu une pièce qui concernait une grève dans les années 70, hein? L'histoire de grève. C'est une grève qui concernait une radio. Et quand je vous dis que l'histoire se conjugue au présent, ben récemment, il y a eu 600 personnes qui ont été mises à la porte de la White Birch. Et là, on parle de lockout, même pas d'une grève. Les gars voulaient faire la grève, mais la business était en faillite. Donc, ils étaient protégés par la loi. Et il a fallu qu'ils aillent en cours pour exiger le droit de faire la grève. Et le juge a refusé. Incroyable. C'est là qu'on est rendu, en 2012. On évolue tellement qu'on revient à cause de départ. Pendant ce temps-là, les grévistes à Alma se font chier dessus par la droite, qui qualifie d'égoïstes ou de ventre plein, alors qu'ils exigent tout simplement le droit que tous les travailleurs et travailleuses aient exactement les mêmes conditions qu'eux. Ils luttent pour des gens qui sont même pas syndiqués. Et pendant ce temps-là, il y a 200 soi-disant cadres qui font la job qu'eux faisaient. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, l'évolution humaine. Alors, on est toujours dans le bloc, dans le thème évolution, histoire du Québec. On arrive maintenant dans les années 2000 pour un bloc que je qualifiais de postmoderne. On commence avec une pièce qui s'intitule « On est à l'air ». On est à l'ère technologique, à l'ère de la désinformation, l'ère des bébelles, l'ère des bébites, l'ère des belles bites en plastique, programme politique de guimauve, artiste pute, penseur, commandité, scientifique, privatisé, nos rues portent les noms de tortionnaires, épiques, épiques, écoligrammes, et bourri, bourri, ratatam. Ouais! À l'ère qu'on se donne et on ne se donne pas grand chance, on est à l'ère de l'effet de serre et on s'en fout, ça monte tout l'air qu'on assassine tous nos enfants au compte à rebours des carburants. Rien d'autre n'évolue que la fortune des fortunés. À le temps libre, c'est de l'argent et puis on le paye en sacrement. Paraît qu'il n'y a plus la solidarité d'antan. Moi, quand j'étais petit, on m'abrique. Les étrangers, c'était des méchants. J'ai retenu le M de McDonald's avant le J de mon prénom. Pour avoir l'air civilisé, j'ai dû apprendre à faire le con. On m'a dit qu'il fallait se torcher en se passant des forêts dans le cul. À présent, on se demande où ce qu'ils sont tous rendus. Bientôt, mon frère, on va des vierges et l'air du temps. si on laisse faux des gens prospères, on va se fumer une paire de teint. Comme tout le monde, comme tout le monde, on va devenir originaux. Parler de ce qu'on attend de la vie, et puis l'attendre, et puis l'attendre. On est à l'air des sans-surprises, des sans-chemises, des sans-avenir, des sans-abri, vie des abriés, tempo, bingo, grono! Pourquoi pas se payer un garage, un véhicule sport pour déplacer la graisse des gros lolos? Puis celle de leur marmot, on est à l'air où l'on sait tout, sauf quoi faire de ce qu'on sait, c'est fou! Ah ouais, il m'a un petit chat! Pour révolutionner le monde, y'a pas de secret, il faut faire la révolution! Pas d'omelette sans casser deux, et vu le nombre de coquilles vides, va falloir en casser en masse. J'ai trouvé comment changer le monde et j'aimerais bien vous dire comment. Mais j'ai pas le temps. Si on en croit les statistiques de notre monde économique, je coûte trop cher. C'est ma seule et unique caractéristique. Je coûte cher à ce monde qui sans moi serait prospère. À ce monde qui sans moi serait prospère. J'essaie de pas être malade et de pas étudier pour éviter au pays de s'endetter. J'essaierai aussi de mourir jeune, mais pas du cancer, ça coûte cher. À ce monde qui sans moi serait prospère. À ce monde qui sans moi serait prospère. Bien sûr, vu la conjoncture, tout le monde doit faire sa part. Et l'euthanasie sauve des dollars. Mourir dans la dignité, c'est de pouvoir se vanter. Moi au moins, je ne vais plus rien coûter. À ce monde qui sans moi serait prospère. À ce monde qui sans moi serait prospère. On haït notre voisin, c'est moi qui paye son pain avec mes impôts. Pis se plaint qu'il a encore faim, bon à rien qui sait rien faire, il sait rien faire à part coûter cher. On se vend à rabais à tous les employeurs, on essaye d'avoir l'air d'un winner! Dynamique, plein d'entre gens, agressif, qui serre les dents. Ensuite on se demande pourquoi c'est crevant d'être à l'image d'un monde qui se veut prospère. D'être à l'image d'un monde qui se veut prospère. Pourtant, des fois, je me dis que c'est le monde à l'envers. Les pauvres ont honte, puis les riches sont fiers. Fiers de quoi, on se le demande, de faire rouler l'économie comme un gros char de l'année qui écrase tous ceux qui vont à pied. Fait que l'ampleur du déficit, c'est comme la grosseur de ta bite. Je m'en fous. Fait qu'arrête de le sortir, pis de le brandir à tout vent pour justifier tout ce qui a pas de bon sens. Dans ce monde qui sans moi serait prospère. Dans ce monde qui sans moi serait prospère. J'annonce à la baisse le cours de l'être humain. Les pertes dépassent les gains. Être ou ne pas être qu'une dépense superflue ou un profit qui gonfle les surplus. Mais si on en croit les statistiques de notre monde économique, qu'on coûte trop cher. Voilà à quoi se résume notre gloire présente et posthume. On coûte cher à ce monde qui sans moi serait prospère. À ce monde qui sans toi serait prospère. À ce monde qui sans nous serait prospère. Et oui, c'était la chanson qui terminait cette émission du Cirque Aquatique Magique. C'était pour moi un grand plaisir, François Gécouillard, de vous animer. On a entendu dans ce bloc qui s'intitulait Postmodernisme 2000. Sophie Anctil et les autodidactes interprétaient Déficit. Et Jean-François Lessard nous interprétait On est à l'air. Si vous voulez écouter cette émission, ainsi que toutes les autres précédentes, jeunefou.blogspot.com. C'était le thème Évolution. À la prochaine!